Okay. Sujet de la conférence ce soir, vive le vide. Le vide, ça se définit par une absence de lumière dans la forme. Quand les gens disent qu'ils sont dans le vide, ils sont dans le vide de forme. Puis c'est pas vraiment une absence de forme, mais c'est une absence de mouvement dans la forme. OK? Bon, je vous donne un exemple. On prend une maison, on rentre dans une maison, et puis on a de la forme, on est enveloppé par un habitat. On a une forme, mais si on n'a pas une capacité de mettre de la lumière, je ne parle pas d'électricité, là, je parle d'une lumière, une intelligence dans la forme, vous allez vivre un grand vide dans la forme. Vous allez avoir l'impression d'être dans un garage. Prends n'importe quelle maison là, qui n'a pas de vie dedans, là, tu sais, qui n'a pas de meubles, qui n'a rien. Là. Vous allez vivre ça comme quelque chose qui n'est pas habité. Quand c'est pas habité, c'est parce qu'il n'y a pas d'intelligence dedans. Il n'y a pas de mouvement qui s'est installé dans la forme. Et ça, c'est un exemple pour vous expliquer c'est quoi du vide. Du vide, c'est quelque chose qui n'est pas habité par de l'intelligence, donc par de l'esprit. Vous mettez beaucoup d'âme dans la forme et l'âme n'habitera jamais la forme. Elle va stimuler, elle va, créer une certaine dynamique de polarité, mais il faut qu'elle soit soutenue par l'esprit. C'est l'esprit qui fait que ça habite. Donc, une personne qui dit « Moi, je ne veux pas vivre le vide », c'est qu'elle sous-tend qu'elle a besoin de la présence de l'esprit pour pouvoir continuer à vivre dans la forme. Le vide, ça peut se vivre dans le fait simplement d'avoir un corps qui n'est pas bien. Quand on dit « on n'est pas bien dans notre peau », c'est qu'il n'y a pas assez d'esprit qui habite le corps pour le mettre en mouvement dans un échange avec son environnement. Fait que l'individu se sent vide. On va dire quelqu'un, il n'est pas capable d'engendrer un mouvement vers les autres, un échange vers les autres. Puis on se dit, moi, je n'ai pas le goût de rencontrer cette personne-là. Elle est vide, elle n'a rien à dire, elle n'a rien à donner, elle n'a rien à changer. Puis cet aspect-là du vide fait automatiquement faire sentir que la personne, tout ce qui passe dans le cadran, c'est des mouvements astrales, un mouvement de stimulation ou une charge émotionnelle quelconque. Mais on sait que de l'astral, c'est lié à de la mémoire, donc c'est lié à du vieux, c'est donc lié à un passé, donc c'est perçu comme une charge, parce que c'est pas du présent et du futur. Vous me suivez? Pour habiter un futur, il faut que tu te projettes. Donc, il faut que tu aies de l'esprit qui te mette en mouvement. Donc, dans le futur, avec une projection, il y a une capacité d'habiter le vide. Dans du présent, qui est très fort en haute vibration, tu es capable de neutraliser les effets de la mémoire de cette personne. Donc, tu es capable de t'habiter. Une personne qui est dans ses bottines, c'est une personne qui s'habite. C'est une personne qui sait, avec sa lumière, rider la forme, incapable de chevaucher la forme. Ben, on disait tout le temps, il faut que vous soyez capable de chevaucher l'astral. Il ne faut pas que l'astral vous chevauche. En voulant dire, il ne faut pas que la mémoire d'une forme prenne le dessus sur votre mouvement. Parce que le mouvement, s'il n'est pas libre de la forme, il va automatiquement vous appesantir. Il va créer une charge. Il va créer une charge pour vous autres, puis une charge aussi pour votre environnement. Donc, ça devient excessivement important quand vous avez une absence de lumière, de vous placer avec un environnement qui va dynamiser votre lumière, puis qui a assez de lumière aussi pour pouvoir mettre du mouvement dans les formes que vous habitez. Souvent, les gens qui ont une absence de lumière ont trop de formes pour la lumière qu'ils sont capables de générer. Ça, là-dessus, il faut que j'applique le fait qu'une personne qui s'astralise beaucoup s'accumule beaucoup, beaucoup de mémoire, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'environnement à haut niveau de stimulation émotionnelle, mais que la personne n'a pas de créativité. Créativité étant une capacité d'engendrer un mouvement. Puis la capacité d'engendrer un mouvement, c'est une capacité qui se perçoit dans une aptitude à être extrêmement présent en tant que personne, présente en tant que personne, et aussi capable de projection dans un futur pour engendrer une création, une construction future. C'est sûr qu'il va avoir de la forme, mais c'est le mouvement de l'idée, c'est le mouvement de la projection, c'est le mouvement de l'action qui n'est pas nécessairement lié à un résultat garanti, OK, puis qui fait simplement placer la personne dans ce mouvement-là pour que la forme finisse par se coller à ce mouvement-là, plutôt que la forme crée une obligation à l'esprit de se conformer à la forme. Vous me suivez? Bien important que vous compreniez cet aspect-là. Fait que l'esprit, c'est une présence qui engendre un présent et un futur. L'astral, c'est souvent lié à un passé qui engendre de la mémoire, et puis qu'une surcharge de mémoire a tendance à créer une absence de lumière parce que la forme masque la lumière, masque quelque chose. Prenez votre maison, clinez-la, enlevez tout le désordre qu'il y a dedans, il y a déjà plus de lumière possible. Possible, ça veut dire qu'il peut y avoir de la lumière parce qu'il y a un certain ordre. Enlevez toute la forme, clairez toute la forme dans votre vie. T'sais? Il va vous rester, si vous êtes capable de vivre seulement qu'avec le futur, il va vous rester une très grande liberté de création. Parce que là, vous êtes comme un enfant qui vit au monde. Vous me suivez? Puis là, si vous déprimez dans l'absence de forme, c'est parce que vous êtes dans des souvenirs. Prenez un jeune, 14-15 ans, là. Il n'y a pas de souvenir majeur. Il y a une capacité de créer. C'est sa capacité de créer qui va lui donner de la forme, qui va lui donner un environnement. Il va falloir qu'il y ait beaucoup d'esprit, beaucoup de présence pour habiter les formes dans lesquelles il fonctionne. Là, on va dire, il va chercher de l'expérience. Tu prends la même personne là, qui a accumulé beaucoup de formes et d'expérience, tu la ramasses à 60 ans, tu deviens lourde. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus la même énergie qu'à 20-25 ans, quand tu étais à vide, à zéro. Elle n'avait pas à ce moment-là de rien à traîner. Puis là, à 60 ans, elle est obligée de traîner bien de la mémoire, bien du passé. Puis toutes sortes de caractéristiques qui l'alourdissent. Fait qu'elle n'a plus de feu. Fait que si elle n'avait pas jeune, imagine-toi rendu à 60. C'est pas heavy metal un peu, là. C'est bien difficile. Donc, ça devient important de comprendre que l'absence de lumière, c'est ça le vide. Parce que la forme, ça ne remplit rien. Fait que c'est la lumière qui vous fait vivre, la capacité de supporter le vide. Bon, la lumière étant quoi? Pour de l'ego, ça représente quoi, ça, de la lumière? La lumière, c'est toute l'affaire qui fait que quand tu te lèves le matin, puis que tu ne te souviens pas pendant quelques minutes de hier, puis de la semaine passée, là, c'est toute cette énergie-là qui est neuve, qui commence à se brûler quand tu tombes dans les souvenirs. Là, tu commences à réfléchir sur le passé, là. Puis là, ça peut prendre 10 minutes, là, puis ta batterie est à terre pour le reste de la journée. La lumière, c'est une capacité d'agir. Ça pense et ça fait. Dès que tu penses puis que tu n'es plus capable de le faire, ça veut dire que la lumière ne passe plus. Tu tombes dans la mémorielle, la standardisation de ton comportement par rapport à ton environnement. Et tu penses avec des idées qui sont déjà pensées, et faites par d'autres, et tu donnes de l'autorité aux autres sur ta pensée. Donc, tu te fais habiter par des formes de ton environnement plutôt que d'être habité par ton propre esprit, qui est le seul élément moteur de ta vie. Bon, bien, quand on dit de quelqu'un là, qui est mort, un zombie, là, c'est que son esprit ne l'habite plus. Il n'y a plus de présence. Si... De la capacité de vivre le vide, ça dépend de l'aptitude à reconnaître son esprit. Ça veut dire que ça devient bien, bien important de comprendre qu'est-ce qui bloque. Puis le blocage, c'est la peur. Fait que quand tu as peur, c'est parce qu'il y a un blocage. Puis devant une peur, il faut que tu trouves le moyen de te libérer du passé et du souvenir qui crée ou qui engendre cette peur-là. Il y a une peur dans ta vie qui s'est collée dans ton mental, et puis qui a engendré un besoin de se protéger avec de la forme. La forme, c'est pas juste la forme matérielle, là. Des idées, c'est de la forme. Là. Quand tu vas à l'école, puis tu apprends une langue, tu apprends une forme. C'est de la forme, un langage. Là. OK, il faut bien se comprendre. Là. De la forme, ça va aussi loin que la culture que tu as, la religion avec laquelle tu t'as composé pendant X années de ta vie, les valeurs morales, tout ça. C'est bien abstrait, mais c'est très concret, parce que quand vous allez poser des actes, quand vous conduisez à droite sur l'autoroute, là, en Angleterre, c'est à gauche, hein? Mais ici, c'est à droite. Mais c'est une obligation sociale qui vous fait rouler à droite. Donc, vous adhérez à des formes pensées, à des idées publiques et sociales qui vous obligent à avoir X comportements. Tu t'en vas dans le bois, à gauche, à droite, ça n'a plus d'importance. Tu es dans le bois, puis il y en a autant que tu ne rencontres pas, tu es correct. S'il y a un orignal qui arrive devant toi, là, il est pas, lui, il n'est plus dans l'affaire de je conduisais à gauche, je conduisais à droite pour que tu puisses l'éviter. Hein? Ben, tu es en dehors des paramètres sociaux, culturels. Donc, vivre dans le vide, c'est vivre sans, avec un minimum de paramètres publics, sociaux, éducationnels. Le minimum de paramètres mémoriels dans ta vie, c'est vivre avec le minimum. Tu peux convenir avec des formes, mais tu t'obliges pas à des formes. C'est ça, vivre dans le vide. Tu laisses l'esprit le plus de présence possible, donc le minimum de formes possible. Puis là, je vous l'ai dit, c'est pas juste matériel, la forme. Tu sais? Si tu es capable de voir dans une idée que tu as, dans une lecture que tu as des événements, que la forme est un obstacle, tu peux facilement tasser la forme, puis tu vas avoir la liberté d'agir. Tu penses à un travail, exemple, le travail, à un moment donné, il y a trop de restrictions, tu peux facilement dire, demain, moi, là, je me sors de ces restrictions-là, puis je me lance dans le vide, puis je vais m'engendrer, je vais me créer un nouveau type d'activité. C'est ça que je suis en train de faire, moi, là, comme tel avec ma vie. Ça bloque, là, à un niveau, là, on a fini la période des mots, là, tu sais. Bon, si la période des mots est finie, il va nous rester l'affaire de les mots puis l'action. Parce que les mots, laissés entre les mains de gens qui sont philosophes, ça va être l'inertie jusqu'à ma mort. Mais si je m'en vais avec les mots style « on parle » puis « on fait quelque chose avec ce qu'on dit », bien là, à partir de là, il va se passer quelque chose. C'est sûr que ça va flusher une grosse partie de mon environnement, mais ça va laisser rentrer des gens qui vont vouloir parler pour faire et non pas parler pour évaluer ou voir, oui, tu sais. Il n'y aura plus de place à l'ego dans mon nouveau travail. Il y aura juste la place à l'action. Fait que c'est des gens qui vont être capables de vivre, qui ne sont peut-être pas capables du premier coup de vivre le vide, mais ils vont être obligés de se lancer dans le vide. Se lancer dans un terrain qui est en dehors de la mémoire pour laisser l'esprit se présenter puis configurer un futur. Me suivez-vous? Bon, fait que c'est ça que l'absence de lumière dans la forme, c'est que la forme, à un moment donné, est trop opaque. Il y a trop d'opacité. Il y a trop de mécanicité. Il y a trop de « je veux une garantie ». Bien, quand tu veux trop une garantie, bien, à un moment donné, il ne se passe plus rien. Parce que la vie, c'est pas mécanique. C'est quelque chose qui va avec des subtilités, puis avec des états d'âme qui sont des expériences, puis qui vivent de la polarité, qui sont à gauche, à droite. Il faut que tu explores le négatif, tu explores le positif, puis que tu comprennes pourquoi ça arrive, tout ça. Bon, bien, pour pouvoir voir tous ces aspects-là de la forme, il faut que l'esprit puisse se mettre le nez dedans puis te donne une lecture qui est différente de comment est-ce que tu lis quand tu es dans la psychologie standard. Fait que, c'est sûr, vous allez me dire, il faut vivre dans la société. Je l'entends souvent, celle-là. Mais si tu es si bien dans la société, reste donc dedans, Chris. Je veux dire, arrête de chialer de la société. Ah, les impôts, ah, ici, ah, chialer. C'est qu'à un certain moment donné, si tu chiales de la forme, c'est parce que tu n'as pas la marge de manœuvre qui t'est nécessaire pour pouvoir être libre. Être libre, c'est l'esprit qui va te le donner, c'est pas l'astral. L'astral ne te mettra jamais dans une occasion d'être libre. Elle va t'exciter, elle va te décevoir, elle va t'exciter, elle va te décevoir. Le champ de l'astral, c'est un champ d'expérience purement émotionnel puis intellectuel. Fait que tu vas explorer l'intellect jusqu'à une certaine dose, mais quand tu es au bout de la spiritualité, là, tu n'as plus grand-chose à apprendre. Tu vas te rester à apprendre des cours de peinture, des cours de macramé, des cours. Tu vas prendre un petit cours, moi, de comment me servir d'une scie mécanique avec mon ami Gilles. Puis, tu sais, dans 2-3 heures, je vais avoir appris pas mal tous les principes. Mais je prends 45 cours. Ça ne fait pas de ma vie qu'elle est habitée. C'est ce que je vais faire avec le cours de Chainsaw, qui va être la vie. C'est pas le cours. Le cours, il y a une certaine excitation, mais il y a le comment je vais vivre avec la forme qui est important. En tout cas, tout ça pour dire que ça va demander beaucoup d'esprit pour pouvoir trouver des formes qui vont donner ce que tu cherches comme mode de vie. Parce qu'oubliez pas, là, la forme, elle vous garde dans un mode de vie. Vous détruisez la forme, c'est pour vous donner un autre mode de vie. On vous souhaite que la forme que vous allez éliminer, elle va être remplacée par une forme qui va vous donner un meilleur mode de vie. Vous me suivez? Pour ça, il faut vivre un vide. La forme que tu abandonnes une mémoire. Donc, c'est une mémoire que tu laisses. Si tu as peur de perdre une mémoire, c'est parce que tu n'as pas la puissance, il faut le dire comme dans ce terme-là, tu n'as pas la puissance de changer de mode de vie. Tu peux te rendre compte que tu vas mourir de la façon que tu penses. À 35 ans, là, tu vas dire, « Bon, ben là, la façon que je pense, avec les peurs que j'ai, je ne peux pas changer ça. » Bien, le reste de ma vie, ça va être ça. Terminé. Point final. Je vais peut-être me donner une sorte d'excitation à essayer ci et à essayer ça, mais je ne pourrais pas me donner le mode de vie. Quand je fais essayer une moto à quelqu'un qui est assis en arrière, il peut savoir ce qu'il vit quand il est au vide, là, comme ça, là, tu n'as pas de protection comme une auto. Mais de là à vouloir en piloter un, s'embarquer en arrière des poignées, puis conduire, puis faire ça pendant 7, 8, 10 ans, avec les conditions de température possibles, il y a toute une coche là, à passer. Là. Il y a un plongeon, il faut que tu fasses. Mais tu peux facilement te rendre compte qu'il y a certains exercices de vie, là, style expérience que tu vas aller chercher, qui vont te demander de prendre, comme on dit, le taureau par les cornes pour voir si tu peux le faire. Puis tu peux te rendre compte que tu n'es pas capable de le faire. Puis quand tu te rends compte que tu n'es pas capable de le faire, c'est une porte qui se ferme, peut-être pas définitivement, mais où c'est aussi définitif que tu as peur. Puis là, la porte qui se ferme est finale, fatale. Vous me suivez? Là, tu restes dans la mémoire. Puis là, la lumière, tu tombes dans une absence de lumière. Donc, tu es plein d'une forme, mais tu n'es pas capable de vivre le vide. Donc, pour vivre le vide, il faut avoir une absence de forme le plus possible pour avoir un maximum d'esprit qui vous génère une vibration où il y a beaucoup de présence. Il y a beaucoup de présent et il y a beaucoup d'avenir. Un projet, ça dynamise tout le temps, peu importe la nature du projet. Pas de projet, pas d'avenir. Tu sais, on va dire, cette personne-là est intense. Pour qu'une personne soit intense, il faut qu'elle soit toujours en projet. Il faut toujours qu'elle ait une communication qui engendre une volonté d'agir. Si vous êtes dans un relationnel social puis que c'est juste du racontage, vous brassez de la mémoire morte. Vous êtes des acariens vivants. Vous savez ce que c'est un acarien? Ça mange des résidus de peau morte. OK? Bien, un être astral qui n'est pas capable d'échanger, c'est un acarien. Faites-vous une image quand vous écoutez parler quelqu'un qui se plaint, là. Puis essayez d'aller voir une photo d'acarien, puis essayez d'imaginer que c'est la bibitte, là, format humain. Elle mange du chiolave. Il y avait une cette semaine en consultation, puis c'était à juger. Puis je pense, la prochaine fois, je vais dire, « Hey, t'es un acarienne. » Elle va se piner de ça. Je dis, « Tu brasses juste de la style mémoire, puis tu chiales dessus. » Pareil comme si tu mordais la croûte de peau morte, là, puis tu essayais d'en prendre une bouchée. Là. Je sais pas, ça va. Il me semble qu'il y a une photo d'acarien, tu présentes ça à quelqu'un. « Gars, quand tu chiales, c'est ça que t'as l'air. » Sacrement, moi je l'ai vu à bibitte, c'est réellement pas appétissant. Hein? Fait que c'est quand la personne est toujours dans la forme en train de piloter du passé, là, c'est un acarien vivant, c'est pas capable de vivre le vide. Moi, il est passé ma machine à vapeur. Tu vas dire, si tu vois ça, ça nettoie tout le passé. Puis ça, manger de la mémoire, vous ne serez jamais capable d'être libre. Vous ne serez jamais capable de vivre de la présence. On va. T'sais, tu peux prendre quelqu'un qui a du feu. Puis tu le bloques tellement là, qu'à un moment donné, là, il y a tellement de formes pensées, de lois, de règlements, de limitations, que là, à un moment donné, tu ne peux plus t'en sortir. L'évolution d'un être qui veut vivre là, réellement d'une conscience, son évolution part par l'élimination des mémoires, surtout celles qui engendrent de la peur. Puis faut que tu t'en ailles avec quelque chose où tu as un esprit qui est capable d'engendrer des projets. Pas des désirs. Des désirs, c'est pas un projet. Là, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre un désir et un projet? Dans le désir, il y a une consommation de forme. Tu veux t'acheter une Lamborghini, tu veux t'acheter une maison d'un million, tu sais, c'est de la grosse consommation crasse. Ça, c'est une marque d'un manque d'esprit. Quand tu as de l'esprit, tu penses tout le temps, toute ta vie est pensée sur l'échange. Tu cherches à engendrer quelque chose qui va faire que les gens dans ton environnement vont être motivés, dynamisés à participer avec toi à quelque chose. Si ta vie est toujours axée vers une consommation, puis une coupure vers l'extérieur, dans le sens pas partager tes ressources, tu as une ressource, puis tu ne la partages pas avec ton environnement, tu vas devenir un gros acarien sur deux pattes. Parce que la mémoire va se faire avec la forme que tu accumules. Fait que tu accumules une forme pensée, tu vas à l'université pendant 35 ans, tu vas te loader le coco d'idées, puis de pensées, puis de mémoire. Mais comme ça ne se partage pas dans un projet, ça va te faire mourir du cancer à petit feu parce que c'est comme quelque chose que tu n'es pas capable de mettre en échange. Tu es mieux d'avoir une hache que tu prêtes à 40 personnes puis que tu vas les aider à lui montrer comment servir la hache puis couper du bois que de te mettre un cours de doctorat dans la tête que tu ne pourras pas partager avec ton environnement. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est dans le sens que une forme que tu acquiers pour te mettre en échange, c'est plus intelligent qu'une forme que tu acquiers pour t'enrichir. Parce que l'enrichissement, c'est strictement une présentation à l'autre de quelque chose que tu cherches à démontrer que tu es plus fort que l'autre. Fait que tu te coupes. Je suis plus fort que toi, je te coupe. Je suis meilleur que toi, je te coupe. Fait que donc, il n'y a plus de terrain sur lequel tu peux fonctionner. Tu veux? Fait que si un jour, pour une raison quelconque, vous dites, bon, ben là, moi, j'ai besoin de me sentir plus intelligent, ben votre intelligence est à la mesure de votre échange. L'esprit, c'est de la présence, mais de la présence avec quoi, là? Deux personnes au coin d'un feu, pas assez, ça. Que ce soit, parce que si tu as ça, mais que c'est juste au coin du feu, puis tu n'as pas plus d'échange que ça, je prends Claude. C'est un gars super intelligent, mais s'il est trop capricornien, s'il est trop astralement capricornien, il va s'isoler au point qu'il n'aura plus d'échange. Sa femme, elle ne sera jamais capable d'accoter son mental. Elle peut y faire un beau home, là, mais s'il n'est pas mêlé à un public quelconque, là, oublie ça. Là. 80 ans, là, ça va être lourd et épais en astie, ça jure. Parce que de l'esprit, c'est une dynamique où il y a une croissance. C'est pas juste stimuler un néon astie, pour qu'il allume de temps en temps. Là. Il y a une croissance là-dedans. Puis il faut que la forme ne soit pas prioritaire sur le mouvement. Il faut qu'il y ait une dynamique qui s'installe. Moi, je peux faire de la moto tout seul, toute ma vie, faire le tour du Québec toute ma vie, puis je peux le faire avec des gens que je rencontre sur la route, puis je peux le faire avec des amis avec qui je fais des projets. Il faut qu'il y ait une dynamique de participation. Je fais bien des conférences, mais si j'ai pas de monde, j'ai pas de participation, moi, c'est terminé. Hein? C'est pas qu'il n'y avait pas de volonté, c'est qu'il n'y a pas d'allumage. L'allumage, c'est dans de la présence. Si le monde se dit c'est trop vieux pour pouvoir continuer, ah, correct, c'est trop vieux, c'est fini. On va vous envoyer aux acariens. Mais les éléments vivants, les éléments lumineux de votre vie, oubliez ça. Vous êtes en phase terminale, vous êtes en train de mourir, puis vous allez vivre dans la forme forever, jusqu'à temps que vous creviez. That's it, that's all. Donc, pour vivre le vide, il y a l'abandon de la peur. Tu es obligé d'abandonner la peur de ne pas être protégé, la peur de ne pas être sécur, puis la peur de ci, puis la peur de ça. Puis ça va plus loin que le langage. Moi, j'ai été au bout des mots, là. Là, je suis obligé d'aller dans le mot et le faire. Le mot, c'est terminé. C'est comme des idées, des belles idées, des systèmes de bourse, des histoires de même. Si c'est dit que c'est ça, puis c'est ça, puis c'est sûr, après ça, il reste à le faire. Si c'est pas fait, on oublie ça, il n'y a plus rien à faire. C'est simple de même. Fait que tu penses, tu te dis, ah, ça change ma vibration. Oui, mais ça te fait faire quoi? Avant, c'était, ah, c'est bien, c'est intéressant, hein? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, c'est comme plus assez. Là. Tu sais, c'est comme regarder la télévision, puis dire, ah, ils sont donc bons, ils sont donc bons, ils sont donc bons. Puis toi, là, toi, t'es-tu quoi? Toi, t'es quoi, là? Tu fais quoi, toi, avec ce que tu vois à TV? Moi, à TV, j'ai dit, moi, si je peux pas vivre ce qui me montre, je vais m'autant pas le voir. Je le ferme, puis je vais vivre ce que je peux vivre. Puis quand je verrai des belles affaires, bien là, il va falloir que j'y goûte. Mais voir, juste pour voir, non, terminé. Rien à voir de ça. Comprends-tu? Question. La vie du vide, soit un petit peu ou beaucoup. Oublie d'être capable de changer la vie. C'est quoi le vide à la bourse? Le vide à la bourse. Oui, le vide à la bourse. C'est... Le drawdown. Le drawdown. Le vide à la bourse, c'est le drawdown. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Faut que tu sois capable, je parlais de ça avec Madeleine, là. Quelqu'un qui est à la bourse, qui n'est pas capable de vivre le drawdown, on dit ça. Mais il n'est pas capable de vivre le vide. C'est ça, il n'est pas capable de vivre le vide. Il n'est pas capable de négocier le drawdown. On dit ça parce que c'est pas partie de la vie. C'est ça. C'est comme le... Moi, je dirais le drawdown, tu es obligé de jouer avec une perte potentielle pour voir que ça va faire. C'est ça. Une perte potentielle, c'est ton ticket d'entrée pour la sécurité, pour trader. Oui, puis c'est la perte potentielle que tu es capable de vivre. Oui, mais potentiel, il faut qu'elle soit vécue. Là. Oui, que tu vis, là, parce que tu as une position où tu cours dans le réel. Puis voir qu'est-ce que ça va faire chez toi. Ben, tu t'en vas dans le marché, puis dans la séquence d'apprendre à faire de la bourse, tu as inévitablement l'affaire de perdre. Si tu ne perds pas, tu ne seras jamais capable de faire de la bourse. OK? On s'entend-tu là-dessus? Donc, tu vas dire à une personne, tu dis, écoute, il y a une taxe d'entrée là, quand tu fais du stock market. Il faut que tu ailles vivre le vide à un moment donné. Puis ton vide, c'est l'envers de ce que tu cherches à faire. Tu cherches à faire du cash, tu vas en perdre. Là, je dis, on peut-tu faire y a-t-il un moyen d'éviter de perdre? Non, il n'y a pas de moyen d'éviter de perdre. Il faut que tu perdes pour payer ta taxe, puis après ça, tu vas pouvoir avoir, si tu es capable, tu vas pouvoir voir si tu es capable d'être capable de traiter avec l'absence d'intelligence dans la forme. C'est une grosse obscurité quand tu viens gros drawdown. Puis si tu es capable de payer ta taxe, après ça, tu vas pouvoir mettre de l'esprit. Mais, si tu ne le prends pas, ton drawdown, jamais tu vas réussir à la bourse. OK? Jamais tu seras capable de mettre de l'intelligence là-dedans parce que tu demandes des garanties. Hein? OK. Et la garantie, ça, là, dans la vie, il n'y en a pas. Tu t'en vas en auto, là, puis je regarde mon voisin, mon propriétaire, il s'est fait tuer. Un gars, tu ne pouvais pas être plus en forme que ça. On a eu des amis là, qui sont morts. Là. Puis shit, c'était des gars qui étaient vivants, pas à peu près, vital. Tu aurais pu dire, ce gars-là, il va vivre 100 ans. Pop, fini. Fait qu'en quelque part, il n'a pas de garantie. Tu sais, je n'ai pas garanti d'être vivant demain. J'ai une perspective d'être vivant. Je fais tout pour me garder vivant, mais ça peut finir n'importe quand. Fait que si c'est vrai pour ta propre vie, imagine-toi ta job, ta structure de couple, toutes tes relations avec le monde, n'importe quoi, ça peut finir, c'est un claquement de doigts. La garantie, c'est une probabilité intellectuelle que les gens se formule à travers une analyse rationnelle. Ils font une analyse relativement rationnelle, mathématique, si tu veux. Puis ils disent, selon les probabilités, telle chose devrait se produire. Mais la certitude, c'est pas quelque chose de mécanique qui se répète tout le temps. C'est comme une reconnaissance d'un mouvement cyclique qui se fait selon certaines conditions que tu sens, que tu vibres. C'est comme je te dirais, le cycle peut varier, mais ton senti vis-à-vis du cycle, lui, il est constant. Tu sais, tu vas dire, ce gars-là, j'ai confiance, ouais, mais ça fait juste 2 jours que tu le connais. Je ne sais pas, je le vibre comme moi. Si moi, je me trosse, je suis capable de le truster parce qu'il a de l'air d'être comme moi. Mais s'il a peur, c'est parce qu'en quelque part, il a eu un mauvais souvenir, une mauvaise expérience dans son passé qui fait qu'il va me casser dans les mains en quelque part dans le temps parce qu'il ne me donne pas l'impression d'une garantie. Fait que là, tu es obligé d'aller accompagner, mettre beaucoup de présence dans l'échange pour corriger les comportements passés qui ont fait avoir peur, qui fait qu'il n'est pas safe, qui fait qu'il n'est pas garanti. Parce que moi, je sais que challenger la peur, si tu n'es pas sûr que tu vas crasher. Tandis que si tu fais face à une peur parce que tu es prêt à faire face à une peur, tu as fait tes devoirs, tu ne serais pas un gars d'un arbre sans y montrer un minimum de base, hein? Fait que tu sais que c'est progressif faire face à un danger, parce que tu vis une expérience de vie en danger. Mais si tu mets quelqu'un à risque, c'est garanti qu'il va se planter s'il ne suit pas une procédure quelconque. Ben, il n'y a pas d'affaire de braver sa peur. Pour faire face à sa peur, il faut avoir une préparation de l'esprit qui rentre dans la forme. Parce que l'esprit, pour rentrer dans la forme, il faut qu'elle suive certaines conditions. Fait qu'il faut qu'il y ait de l'intelligence, il faut qu'il y ait de la communication, il faut qu'il y ait quelque chose dans le senti de l'autre qui est dans son rythme par rapport au tien. Tu sais, toi, tu me comptes des histoires de Chainsaw, là, c'est digne de faire un film de massacre à Chainsaw, là. Mais Chris, il y a bien du monde qui achète des Chainsaw, puis ils se font pas mal avec ça, là. Mais tu m'as assez présenté ça dangereux pour que je puisse dire, ouais, j'aimerais ça avoir son esprit qui m'accompagne dans la forme, pour pouvoir voir clair là-dedans. T'sais, je sais que je n'ai pas les 2 doigts dans le nez. Je suis capable de travailler avec une toupie, Chris. C'est dangereux, maudit, de travailler avec une toupie. Mauditement plus qu'une sirène. Mais une toupie, j'ai déjà travaillé avec ça. Puis quand tu travailles comme il faut, puis tu fais attention, puis tu es calme, ça va très bien, travailler avec une toupie. La chainsaw, je me dis, c'est la même chose. Mais il peut y avoir des accidents, tu sais, c'est sûr, c'est évident. Fait que, qu'est-ce que tu fais quand tu as une situation qui peut être dramatique ou quoi que ce soit? Fait que c'est tous ces mouvements-là où l'esprit doit habiter la forme parfaitement pour que tu te dégages de la peur et qu'une fois dégagé de la peur, tu fasses les mouvements d'une façon constructive. Mais ce que je veux dire, c'est tant que la forme est utilisée au profit d'une créativité, c'est le fun. Tu sais, je dis, il y a du stock dans la vie, pour un bout. Pardon? C'est de construire avec qu'est-ce que tu as, c'est de construire. Oui, puis de ne pas avoir peur. Puis mettre en échange. Tu sais, je dis, écoute, quand tu achètes de l'outil, du bois, de la tuile, des ci, des ça, fuck, c'est de l'argent. C'est des heures de travail, puis que tu prends le risque de le faire à la place d'un contracteur, tu sais. Tu dis, bon, ben moi, je vais essayer de me servir d'une scie à onglet, je vais essayer de. Puis c'est un paquet de petites réussites. C'est où? Faut que tu aies une disposition pour régler des peurs, là, tu sais. Parce que la peur, c'est le masque du vide. Tu vas passer bien des places dans ta vie en auto avec des. Comment on appelle ça? Des parapets, là. Des garde-fous, OK? Tu peux passer à une place pendant 10 ans, puis tu as un garde-fou, puis tu n'accrocheras jamais le garde-fou. On est-tu d'accord avec ça? Fait que si tu ne l'accroches jamais au bout de 10 ans, tu peux dire, bien, je vais l'enlever. Tu enlèves le garde-fou, puis là, tu vas avoir peur. Pourtant, tu as passé 10 ans là sans jamais accrocher le garde-fou. Fait que, il ne sert à rien. Il y a plein d'affaires dans la vie que tu t'es mis des garde-fous, puis le garde-fou est devenu une prison, puis que tu n'as jamais eu à te servir du garde-fou. Enlève-les. Mais là, si tu l'enlèves, tu as peur de tomber dans le vide. Pourtant, tu n'as jamais accroché le garde-fou. C'est ça, les garanties qu'on donne, là? C'est le garde-fou. Oui. C'est quand ça. Quand on voit le garde-fou, ben ça, c'est notre garantie. Enlève le garde-fou, ça, c'est ville de vide, puis là, tu viens de fucker maintenant. Ouais. C'est ça. La peur te présente une forme de danger qui est réelle. Puis l'ego, il se crée une... Il se crée une sorte de condition mentale qui va lui dire, si tu frappes, ça va être moins pire demain. Parce qu'un parapet, tu peux passer par-dessus. Hein. Tu sais, c'est... Tu peux même non. Dans le fond, il n'y en a pas de c'est ça, exactement. Toute la vie est basée sur un risque potentiel dans n'importe quoi. Tu sais, si vous pensez être en sécurité, c'est parce que vous avez un parapet dans le mental. C'est une illusion. Ben, une illusion. Moi, je pars toujours du principe que t'es dû pour une telle date. Si je fais de la moto puis je monte ça vite, à haute vitesse, puis je frappe, mais c'était mon heure, là, tu sais. Comprends-tu? Si la machine est en bonne condition, puis j'ai le mental en bonne condition, il faut que ça soit mon heure pour être arrêté. Parce que si c'est pas mon heure, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, là. Toutes les combinaisons sont gagnantes. Une moto qui est fiable, avec un gars qui est fiable, il n'y a pas de limite. Comment tu peux penser que ta vie, c'est toi qui la gères? Il y a bien du monde qui pense que c'est eux autres qui la gèrent. Juste le fait de te mettre au régime puis de manger des salades, puis ci, puis ça, avec des patterns, là, que mangez pas ci, mangez pas ça, là. Puis qu'ils te défont ça 3-4 ans après. Ah, ça fait pas ci, ça fait pas ça. Les salades sont intoxiquées parce qu'ils mettent ci, puis ils mettent ça. Tu sais, essaye donc d'être correct, là. Dans la société qu'on a aujourd'hui, t'es pas correct en nulle part. Fait que, il y a quelque chose qui gère ta vie. Pas nous autres qui pensent. Ça, vous avez de la misère à le pomper, ça. Je vais le dire d'une autre façon. C'est pas toi qui gères ta vie. Bien, je dis, c'est parce que le risque que tu prends de rouler pas de parapet. Je peux pas dire si c'est intelligent, c'est pas intelligent, mais la vie, c'est pas des affaires de statistiques. Ta vie, c'est pas une statistique. Sa vie, ça, c'est pas genre, moi j'ai mangé ça, puis selon les statistiques, je vais mourir à tel âge. Tu sais. Pour l'ego, c'est un risque. Pour moi, c'est un destin. Pour l'ego, c'est un risque. Mais pour moi, c'est un destin. Tu as le destin ou non d'être quelque chose. Si tu n'as pas le destin pour être quelque chose, tu n'as pas le destin pour être chanteuse d'opéra. C'est clair, hein? Mais en général, quand tu as le destin pour faire quelque chose, tu as une pulsion pour le faire. Mais si tu n'as pas une pulsion pour le faire et tu essaies de faire comme les autres, si tu n'as pas de destin pour être dans la vie ou dans la peau d'un autre, pourquoi tu t'acharnes à vouloir être comme quelqu'un si ce n'est pas ton destin? Là, pour moi, je calcule que tu te lis mal. C'est une mauvaise lecture de toi-même. C'est ça. Tant que ça ne marche plus la conscience, là. Je m'envoie dans le stock market. Là. C'est-tu mon destin? C'est différent. En le faisant, on va le savoir. À date, j'en vis pas. C'est parce que si je le vibre pas, je peux pas le faire. Mais si je le vibre, je peux le faire, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. Mais je peux le vibrer. Il faut le faire. Ben c'est ça. Il faut que tu plonges. Mais tu peux plonger combien de temps? Combien de temps tu peux plonger dans le vide avant de savoir que c'est pas pour toi? Non. Tu vas le savoir tout de suite. Si tu plonges dans le vide et que tu vas en mourir, c'était pas pour toi. Si ça marche pas, là, c'est la fin, là. C'est la fin de tout. Tu comprends-tu? Toi, tu lâches ton affaire, tu vends ton truck, tu vends tes chainsaws, ouais. Tu rentres dans la bourse, tu sais, c'est à la vie à la mort, mais ça peut être la mort aussi, là. Hein? Fait qu'il arrive un stage, là, que tu mets toutes les odds pour que ça marche, puis ça marche pas. Ta chandelle, il reste un quart de pouce, puis ça, c'est pour pouvoir être récupéré à l'hôpital. Ou il te reste la rue Saint-Jacques, tu peux te faire des chums là avant de mourir, parce que t'as pas assez socialisé dans ta vie. Il est sur populaire, puis tu le quittes. On rit, mais c'est vrai, en Christ. C'est ça que l'ego voit. Si je fais ça, je me casse le pompon, là, puis ta-ta-ta-ta-ta, là. Puis il voit du monde qui dit, ah, il a pris un risque, puis ça n'a pas marché, là. C'est ça que l'ego regarde. Fait qu'il choisit sa mort en disant, ben moi, j'aimerais ça mourir à petite cuillère, lentement. Ou tu plonges dans le vide, yeah, go with the wind. Puis où? Jusqu'où c'est le vide? Ça a pas une fin, mais ça a un... Ça a un cadre. OK? Ouais. Ça a un cadre. De marcher avec le cadre de la personne. Bon, le cadre de la personne, c'est ça le destin. Ton destin, c'est ton cadre. Le problème des gens, c'est qu'ils ont une difficulté à lire leur destinée. La roche, le monde a peur de parler. Ouais. Tu lui demandes de parler dans le vide, ils sont pas capables, Chris. Oui. Tu dis n'importe quoi, ça a l'air d'être l'enfer, ça, là. Mais c'est ça, c'est... Ouais, c'est ça, mais j'ai tiré sur la roche. Mais c'est une grosse crise de roche qui veut pas bouger, c'est de l'inertie. Ah, okay, tiré. C'est de l'inertie, j'ai fait tiré, un trou. C'est cool, comme tirer à la porte, c'est tirer la roche. Ben une roche. Fait bouger, c'est ça? Oui, c'est ça. Je fais bouger une roche, j'essaie de la mettre après le truck. En fait, tirer. Non, pas tirer, non. Il est drôle, lui. Tu sais, gars, même avec toi, c'est compliqué, fuck, t'as pas d'allure. Tirer, la traîner une roche. Oui, ben, je sais pas comment elle est, mais grosse. Elle est pesante. Fait que j'ai essayé à gauche, là, je vais me faire un trou ailleurs, je vais piner ça, je vais tirer avec la troc pour savoir si. Le troc, là, c'est dit qu'il a forcé le moteur. Là. Il dit peut-être qu'elle va bouger de l'autre bord, tu sais. OK. Mais là, j'ai l'avantage de travailler sur le terrain de l'ego. L'ego, il n'a pas du gain là-dedans. Là. Peut-être la roche, hein, je ne suis pas capable de tirer sa roche pour l'affaire de la communication, parce que c'est trop abstrait. Mais quand tu arrives avec l'affaire de l'argent, bien là, c'est plus concret. Là. C'est la continuité de ton destin. Oui, c'est ça, vu avec une approche plus humaine. Plus humaine. Mais c'est le destin qui fait que tu es dans un mouvement de vide ou pas de vide. Le destin, tu as toujours des places dans ton destin où tu es dans le vide. T'es gars, elle est infirmière. Techniquement, elle pourrait avoir 80 puis travailler encore parce qu'il manque tellement d'infirmières. Mais elle va-tu avoir le goût d'être avec une gang de malades à 80? Dans son destin, il n'est pas dit qu'elle ne pognera pas une écœurite aiguë. Là. Il y a une place là, que tu vas être écœuré. Là. Tu vas rentrer dans la place puis tu n'es plus capable. Là. Elle travaille des déficients. Là, elle va rentrer dans la place puis elle a une gang de crise de malades. T'sais, parce que là, ça y rentre dans le corps. Fait que là, cette journée-là, là, elle a besoin de sécurité matérielle. Il va falloir qu'elle ait une alternative. C'est pas à faire des cours de peinture, faire des petites peintures. Quand tu regardes ce qui vient de Chine pour 15$, mon homme, elle accote pas ça. Là. Puis ça. C'est ça. Elle est obligée de faire face à sa peur. À quel âge tu veux faire face à ta peur? À 80 ou à 60? À 60. À 60, c'est plus facile qu'à 80. Hein? Dans ta programmation, là, dans ton destin, il y a toutes sortes d'affaires qu'on dit « Ah non, non, ça, je veux pas vivre ça, je veux pas vivre ça. » Puis à un moment donné, « Fuck off, faut-tu le vivre? » La lumière, elle est dans l'explication du pourquoi ça marche pas. Moi, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu sais, si je demande aux forces, pourquoi là je suis rendu là? Il dit, c'est la même raison que pour Bernard. Ça ne rentre plus. Ben, moi, si les forces me disent, l'étape dans la conscience de parler, c'est fini. Mais là, si c'est fini, ça veut dire que c'est fini pour une raison. Tu sais, comme la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Ça veut dire que c'est la fin du monde. C'est la fin d'une façon de penser dans le monde qui va changer pour une autre façon de penser dans le monde. C'est comme ça que je vois ça, le futur. Là. Un changement de pensée. Puis je pense que le monde va changer pour le mode de pensée qu'on a, nous autres. OK? Que là, c'est la fin d'un processus instinctif chez l'homme. C'est sûr que je vais être mort, ça va peut-être prendre 200 ans, là. Mais on est des pionniers dans la nouvelle façon de vivre des temps futurs. Mais peut-être que là, bon, là, ils ont fait le test, les plans, là, pour voir la faisabilité de ça, là, combien de temps, c'était quoi les zones de résistance, tralalala. Moi, j'ai l'impression qu'on a servi à une étude de marché. Bernard, moi, puis un paquet d'autres. Là. On a servi à une étude de marché. C'est une étude qu'ils ont faite de quelque chose. Là, ben, ils sont en train de faire le planning pour l'an 2200 ou l'an 2300 avec ça. Là, tu sais. Ouais, le prototype qu'ils lancent, mais qui se scrape à un moment donné parce que bon, c'est désuet. Ben, la seule affaire qui lui reste à étudier, c'est l'application. Comment les gens prennent cette vibration-là? Puis comment amener les gens dans un vide plein? Un vide plein étant le phénomène de la présence puis la conscience de la vibration sans idée. Parce que nous autres, l'ego a toujours besoin d'une idée, une forme pensée pour sentir du plein. Tandis qu'une personne consciente, juste de vibrer puis d'avoir le momentum d'agir sur une vibration, c'est ça la vie. Comprends-tu? Moi, ma vie, je ne peux pas m'inquiéter parce que je sais que c'est pour moi qui la pilote. Fait que l'inquiétude du futur, ça, c'est l'ego qui peut avoir ça. Mais c'est pas l'esprit. L'esprit, il s'inquiète pas de l'avenir. Donc, si je me laisse à l'esprit, l'esprit va me trouver les solutions qu'il faut. Il va me les présenter, puis moi, il va falloir que j'agisse dessus. Là. C'est pas tout qui te présente quelque chose. Faut que tu le fasses aussi. Tu sais, l'individu, c'est pas évident. Ah non, c'est pas évident. On on veut tout le temps contrôler la crise de patente. C'est l'âme veut tout le temps contrôler le mouvement. Oui, mais c'est pour contenir. C'est pour contenir. C'est pour ça l'importance de la progression. Tu ne peux pas passer de 0 à 200 en une fraction de seconde. Ton corps ne le prendrait pas. Ça serait too much. Tu as besoin de progression. Pardon? C'est pas ça que. Le point que je veux expliquer, moi, c'est simplement de dire. Quand ils m'ont parlé, ils ont dit tu peux le mettre plus loin. C'était carrément d'écouter, that's it, final. Je m'en allais me coucher. Je voulais pas prendre des risques. J'étais pas devant l'ordinateur. Je voulais aller me coucher. J'avais ma raison de ne pas m'inquiéter. J'étais sûr de faire 150. 300, je ne l'étais pas. Fait que, tu sais, le lendemain, je me lève, il aurait fait 250, mais il n'aurait pas fait 300. J'aurais été en tabarnak, j'aurais dit, calice de Christ, j'aurais donc dû jouer safe. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que suivre une vibration, c'est quelque chose que l'ego doit être confronté régulièrement. T'sais, à un moment donné, ta réflexion, elle a une intelligence là-dedans aussi. C'est intelligent, il y a une certaine réflexion qui fait que c'est intelligent. Lui, il dit, je contrôle trop. Tu contrôles peut-être pas trop, mais tu contrôles ce que tu contiens. Peut-être que tu contiens pas plus que ça, puis c'est assez, là, tu sais. On se pognait, nous autres, parce qu'il me débarquait mes positions quand je rentrais. Puis, j'ai la misère quand c'est toi qui trade, le patron. Tu sais, OK, il m'a retiré, that's it. Mais en me retirant, j'ai compris que tu peux pas avoir deux décideurs sur un compte. Il faut qu'il y en ait juste un qui décide. Parce que. Il y a comme l'ego besoin de se suivre, se sentir dans une certaine mesure. S'il y en a deux qui tradent, même si ça marcherait, là, mettons que deux tradent puis c'est toujours bon, tu perds la mesure de toi qu'est-ce que tu es capable de faire. Tu peux faire ça quand tu es rendu des super traders. Mettons que lui, c'est un super trader, moi, j'étais un super trader. On a 2 ans là, d'efficacité démontrée. Là. On se présente les portefeuilles puis on voit qu'on est rentable. Là, tu peux embarquer un deuxième trader. Lui, mettons qu'il part en vacances, puis là, je gère son compte en même temps que le mien, puis moi, je repars en vacances, puis je gère mon compte en même temps que le mien. Là, c'est safe, là, parce que là, on est 2 super traders. Mais en développement, il y a un développement à 2 qui se fait, c'est le fun. Mais à un moment donné, il y a un développement tout seul pour avoir une mesure de tes nerfs. La dynamique de la bourse, développer à 2, pas de trouble. S'informer à 2, se comprendre à 2. On a développé le système de lunaison avec lui, moi, lui, puis Dodo.